Salut, c'est Éric Lafontaine et Maxime Paiement du Dernier des podcasts, le John McClane de la balado-diffusion au Québec. Et vous écoutez Les Accros des Jeux avec Big Ben, Antithèse, Retro Gamer PQ et Marie-Lune. Les Accros des Jeux, le top 1 podcast avec un squelette pis une manette de NES dans le logo. Nous sommes le podcast des Accros, l'édition du 25 mars 2013. On part dans 10 secondes. 9, 6, 5, 4, 3. Fuck, ouais. Man, à cause de toi, je vais être amusé avec le montage audio. Pas grave. Salut les accros, c'est le Big Ben. C'est Antithèse. Retro Gamer PQ. Tester Alpha. Marie-Lune! Je le savais que ça allait arriver en plus. Je le savais. C'est pas grave. Pour le podcast des accros, nous sommes l'édition du 25 mars 2013. Salut tout le monde, comment ça va? Comme les gens peuvent voir, je pense que c'est juste de dire qu'on va tous super bien comparé à... même plus que d'habitude, alors... mais il y a des raisons pour ça apparemment, mais on va lui parler pour tout le monde. Bon, et Sylvain qui... et Rétro qui tousse. Je vais le mettre en mute quand je vais tousser. Effectivement. Quoi de neuf, la gang? Qu'est-ce que vous faites cette temps-ci? Travail, Chris. Possiblement, changement de carrière prochainement, je vais croiser les doigts. Cool. Marie-Lune, ça va-tu bien de ton côté? Ben, c'est la même routine que d'habitude. Désolé, j'ai une voix bizarre, là. Travail, boulot, doulo... merde, dolo. Travail, boulot, Dolorama. Remarque que c'est le meilleur ami des éducatrices, Dolorama. Mais bon, pas vraiment beaucoup de lectures, pas beaucoup de jeux vidéo. J'essaie de me rattraper le plus possible, surtout avec le cadeau que j'ai eu hier et l'achat que j'ai fait vendredi. Mais sinon, c'est pas mal ça. C'est pas très très passionnant ma vie. Destra, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Ben moi, ça a l'air niaiseux. Je viens tout juste de sortir mon 8e épisode que déjà... j'ai écrit le script du 9e, puis on tourne en fin de semaine là, fait que. Ouais. On n'arrête pas, là, il y en a un qui sort, puis on commence l'autre, puis. T'es prolifique! Il faut! Sérieusement, là, la qualité là, de tes émissions sont incroyables, surtout celui en fin de semaine, tu peux demander à Marie le nombre de fois que je suis parti à rire. C'était vraiment très bon. C'est bon, ça. J'apprécie. Mais. Et là, non, tu rappelles-toi de ma suggestion, là. Il y a un autre jeu merdique de EA que t'as pas fait encore. Ouais, non, je veux bien, mais regarde, je vais laisser le temps à mes auditeurs de respirer un petit peu. Sinon, je vais toutes les perdre. Michael Jordan, le jeu de plateforme, c'est vraiment mauvais. Ok, mais c'est... je l'ai pris en note. Et toi, Rétro, qu'est-ce qui se passe de bon? À part travail, puis les vidéos que je prépare, pas grand chose. Tout tient, quoi. Je sais pas si les auditeurs ont pu regarder ça récemment, mais ils ont peut-être pu remarquer un certain changement de style de tes vidéos. Est-ce que tu as pu remarquer que les gens apprécient ton changement? Ben oui, je pense que oui. Rétro, tu sais? Je fais de bon dans WoW pour l'instant, j'ai arrêté un petit peu de jouer. Évidemment, la Wii U. Oui, tu es un heureux propriétaire d'une Wii U à présent. T'as des impressions de cette console rapidement? Mis à part quelques bugs de plantage, c'est bon, parce que j'aime bien la console. À part les bugs de plantage, Nintendo a promis une patch pour ça. Ouais. Mais en tout cas, j'ai joué à Zombie U et j'adore Zombie U. Bon jeu de survie. Il faut vraiment que tu ramasses le plus d'objets possible que tu peux utiliser pour survivre. Et puis, tu peux pas juste foncer dans un tas de zombies et tirer à fond. Si tu fais mort dans un zombie, t'es mort. Ce qui est logique. Et si vous avez vu le même qui se promène sur Facebook depuis hier, il est très drôle. Comment survivre à une morsure de zombie? Ouais, mais dans une vidéo, tu survis pas à une morsure de zombie. Destra, toi de ton côté, à part ta critique, est-ce que tu as eu le temps de jouer à d'autres choses? Non, je joue à WoW. That's it. WoW pis les jeux rétro. Pis regarde, c'est assez, là. On t'en demande un petit peu trop, là. Ouais. Antithèse, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu joues? Surtout que sur Twitter, j'ai une suggestion pour toi, testeur. Pac-Man 2 de New Adventure. Fait qu'on, c'est bon, on te bombarde déjà. Colin. Erk. Eh hey, oui, ça je vais quand même le noter, là. Moi, ouais, je l'ai pris pour bêta. Ouais, ouais, je vais y refiler toute la job sale. Oui, écoute, faut que tu sois chien avec bêta. Mais il mérite. Bon. Toi, Antithèse, qu'est-ce que tu joues ce temps-ci? Je prends mon temps et je savoure Castlevania, Lord of Shadow, Mirrors of Fate. Sinon, une nouvelle petite trouvaille assez, assez cool sur le cellulaire, Jaws Revenge. Jaws Revenge. Ouais, c'est assez surréaliste quand tu considères que ton requin peut faire des sauts comme Willy. J'ai tellement d'avoir l'image dans la tête de mon ami Willy qui saute, mais que c'est un requin qui est en train de bouffer le petit garçon pendant qu'il passe de l'autre bord. Dans le passage, oui, carrément. Carrément. C'est pas des avions ou des mouettes ou des gens qui font du deltaplane. Jaws se régale dans le petit jeu gratuit disponible sur le Play Store de Android. J'ai mieux à faire ça. C'est soit ça ou soit encore une fois Flo et je vois mon collègue rétro qui est intéressé par Jaws. C'est gratuit! Moi j'ai pas payé pour ça! Toi, ton côté Marilyn, est-ce que t'as réussi à. Qu'est-ce que t'as fait de bon geek ces temps-ci? J'ai beaucoup avancé mon personnage dans World of Warcraft. Est rendu niveau 69! En passant. Puis j'ai beaucoup joué. J'ai commencé à jouer à The Legend of Spyro sur la DS. Qui est sérieusement. A New Beginning. Oui, A New Beginning. Qui est vraiment. Ça m'impressionne. J'avais jamais joué à un Spyro. À défaut de jouer à Skylanders, il faut bien commencer à quelque part. Fait que j'aime bien ça. Puis sinon, par de ça, c'est comme j'ai dit, c'est plus de la lecture que d'autres choses présentement que je dévore roman par-dessus roman par-dessus roman. Dont un pour quelque chose pour les accros qui s'en vient d'ici un mois. Parce que c'est pas mon prochain vidéo, mais un autre d'après qui va être. Donc, je peux pas en dire plus pour le moment. Sauf si vous avez Instagram puis que vous me suivez, là, vous le savez un peu c'est quoi. Moi de mon côté, ben Marilyn m'a offert un beau cadeau. Elle m'a acheté Donkey Kong Country Return sur Wii. Comme cadeau de Pâques. On s'est dit qu'on ne se ferait pas de chocolat cette année, fait qu'on s'est dit bon ben on va se gâter en jeu. Moi je lui ai donné Epic Mickey sur 3DS. Alors là-dessus, elle est très très contente d'embarquer là-dessus. Sinon entre-temps, ben wow, je me prends beaucoup de temps, comme à l'habitude. J'essaie de gearer tranquillement mon personnage niveau 90. Et sinon, ben j'ai encore mon moine qui est rendu niveau 60 dans les Heartland, qui avance doucement et que ben, je découvre la joie de tanker dans les instances. Sinon, à part ça, qu'est-ce que j'ai joué? Je joue à Pokémon Pearl sur 3DS, mais sur DS. Je joue au Pokémon. Je sais pas, ça me fait passer le temps quand je donne le poignet. Non! Non! Rétro, tu vas l'avoir dans la tête pendant 3 ans après. Merci! Non! Tu sais que c'est un cachot que tu viens de faire hein, pour le prochain échange de cadeaux? Ouais. Je sens que tu vas voir peut-être le film. Ah. Horrible. C'est vraiment horrible. Ok. On va embarquer côté nouvelles. Ça vous tente-tu? Bon, ouais. On a beaucoup de nouvelles quand même. C'était... Écoute, première chose, ce qui est vraiment en train de dévorer Rétro en ce moment dans ses entrailles, parce que deux consoles de cette compagnie, puis que, oh my god, c'est quoi cette nouvelle-là? Il parle plus de la Retron 4, c'est rendu la Retron 5! Huh. OMG! Oh my fucking god! OMG! Et Qu'est-ce qu'il y a de plus dedans? Selon ben, vous. Tu le dis-tu ou je le dis? Vas-y, je te laisse parce que t'es le porte-parole officiel de Hyperkin sur... La Retro 5! Vous pourrez jouer comme la Retro 3, la Nintendo, Super Nintendo et Genesis, en plus du Famicom, Super Famicom, Game Boy Advance, Game Boy Color et Game Boy! Oui, tout ça avec un câble HDMI, avec une interface pour les manettes Bluetooth! T'en as manqué un, hein? Quel? Mega Drive! Ouais, Mega Drive, sac. Mais également, vous pourrez jouer les jeux PAL aussi. C'est ça, une PAL, NTSC, oui, effectivement. Et avec une interface à la style Xbox 360 et PS3. Les manettes, qu'est-ce que t'en penses? Elles sont laides comme le Christ. Et calisse que oui. Mais ça, c'est normal. Mais au moins, on peut utiliser comme la Retro 3 nos manettes originales. Ce qui est quand même quelque chose de correct. Mais c'est vrai que ça a l'air vraiment laid. C'est laid. Ouais, ils sont pas très bons dans le design de manette. Non, hein. Non. Je sais pas pourquoi, c'est rien de compliqué, il me semble. C'est le budget. Cas... Mais vu que c'est Bluetooth, ceux qui, comme moi, ont la Gamepad Pro de l'Xbox pour la Wii U, ben vu qu'elle est Bluetooth, ben, je vais pouvoir l'utiliser pour la Retro 5. Oh, intéressant. Très, très intéressant. Fait que, pas de date encore. Pas encore de date de sortie, probablement ça va sortir d'ici le temps des fêtes. On dit juin. Juin? Oui. J'ai rien vu là-dessus, mais moi ils l'ont dit durant la conférence. Ah, ok. Ça serait vraiment génial. Bon, je vais commencer à garder mes amis sous le côté. Avec mon cadeau de mariage, tu pourras me l'offrir. Je suis même pas sûr que tu vas m'envoyer une invitation pour ton mariage. Au pire, ils ont dit qu'on va faire ta gang. Mais non, j'ai déjà prévu d'envoyer Beta chez lui. Ben, pars-y deux minutes. Du bon gâteau à la vanille. Pourquoi à vanille? Tu te prends pour qui, toi, tabarnak? Gâteau à vanille. Ben, qu'est? On est fait avec toi, mais là, il faut d'abord que tu nous envoies les invites. On verra après, là, dans là. De toute façon, c'est parce que un cadeau de mariage, je suis pas censé profiter aux deux. S'en fout d'elle. Je pense que les fiançailles sont rompues. Pas vrai. Regardez le Facebook d'Apollo, hein, chaque ça va donner célibataire. Oh là là là là là là. Ne copiez pas ça à la maison. C'est pas recommandé pour la santé de votre couple. On est juste des caves. Sinon, on va embarquer dans les autres nouvelles. Première chose, une nouvelle surprenante, vu que moi et surtout Retro, on a fait beaucoup de promotions sur ce jeu-là. Binding of Isaac sont rendus à 2 millions de ventes pour ce petit jeu-là. Mmh. Très, très bon jeu. Puis en même temps, j'ai su par cette nouvelle-là qu'il allait y avoir un remake qui va sortir sur PlayStation Vita, PC, PlayStation 3, qui va s'appeler The Binding of Isaac Rebirth. Ah, finalement. Oui, alors, graphique amélioré et ce genre de petits trucs-là. Alors, pour ceux qui vont peut-être vouloir jouer à ce jeu, ce fameux titre, ça vaut vraiment la peine. Alors, Binding of Isaac, si vous ne l'avez pas encore, là, il est en spécial encore à soir, je crois, pour 1,25 sur Steam. Et il me semble qu'il est encore en spécial. Hier, il l'était. Oui, il est encore en spécial là, jusqu'au 29. Alors, allez vous chercher, sérieusement, là. Restez pas là, les accros, là. Allez chercher, là. Il y a une pièce et demie, là. Non. Allez chercher après le podcast. Oui, c'est une bonne idée. Ah, mais ils peuvent le faire en même temps. Ils sont sur un ordinateur, multitâche. Ouais. Hey, on est la génération multitâche. Sauf Alpha. Ouais, moi, j'étais encore. Il est encore âge de pierre, là. Hey, il tank, là, dans WoW, là. Puis des fois, il oublie qu'il peut faire d'autres habilités. Tu sais, il est comme dans la première génération là, de WoW, tu sais. Les tanks, il faisait un paddy tank, mais qu'il oubliait qu'il pouvait healer des fois, puis raiser. Pendant que le healer était obligé de raiser tout le monde. Non, pas tout à fait joueur lock, moi là, fait que. Ah, ok, t'as oublié de faire Tower Stone sur le healer. ouais, c'est ça. Alors, c'était mon du vécu, vécu par moi. Avez-vous vu, en parlant de World of Warcraft, avez-vous vu le nouveau jeu de cartes qui va être en ligne? Heroes of Warcraft. Hearthstone. Je veux voir vos avis et la gang qui joue à WoW. Fait que PL, tu peux aller faire d'autres choses en ce temps-là. non, c'est correct. Ouais, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Seul, là. C'est une très bonne idée, pour, surtout pour un jeu qui va être gratuit, là, avec option d'achat de booster packs. Je trouve que c'est envoyer Blizzard dans une autre direction par rapport à leur franchise principale. Puis, une idée, là. Okay. On le dit combien de fois? Alpha? Oui, je pense que ça coupe. Ouais, ça a coupé un petit peu, mais mon bord, c'est de ma faute. Qu'est-ce que tu en penses de ce jeu-là? Oui, ben moi, j'ai joué personnellement au TCG de WoW. OK. Warcraft Trading Card Game. Mm-hmm. Puis, sincèrement, le jeu est excellent. Puis, entre nous autres, on se disait tout le temps que, mon Dieu, ça serait le fun d'avoir un WoW online, exactement comme Magic the Gathering Online. T'sais, ça existe déjà. Puis, ce que Blizzard vient d'annoncer avec leur jeu online, c'est pas exactement ce qu'on voulait, mais c'est une base, c'est un début, c'est ça, et ça s'approche. Fait que moi, certain que j'accueille ça de bon pied, puis ouais. C'est rare qu'un jeu de Blizzard est pas bon. C'est rare. Ouais. Moi, mon avis, surtout ce qui me donne le goût de jouer, c'est le style. Ils ont gardé le style un petit peu Magic the Gathering. Dans le style que, ben, tu sais, t'as le personnage principal, t'as ton héros, mais tu peux manger des dégâts aussi pareils comme dans WoW, ben, comme dans Magic. Donc, je peux recevoir des attaques directes, autant que mon personnage peut manger des attaques directes. Des spells qui se ressemblent. J'ai vu vraiment qu'ils ont copié un petit peu sur Magic. Mais je trouve l'idée intéressante. J'ai juste hâte de voir que ça va être comment le concept du jeu, de vraiment d'y jouer là. Ouais, écoute, moi aussi j'ai pas joué, donc je sais pas si ça va être exactement comme le WoW TCG, mais pour avoir joué beaucoup au WoW TCG, puis j'ai reconnu des cartes dans le jeu online qui sont exactement la même carte dans le WoW TCG. Fait que je sais pas à quel point ça va copier le WoW TCG, mais j'ai l'impression que c'est fortement inspiré quand même. Ok. On va voir. Mais toi, Marie, as-tu eu la chance de voir la bande-annonce? Je l'ai vu, mais moi, personnellement, je sais pas si j'embarquerais dans un jeu de cartes de WoW. Je suis pas une fan de Magic the Gathering comme Big Ben, par exemple, qui peut jouer des heures durant à ça. J'aime certains jeux de table, mais je suis pas assez accro pour dire que ça m'intéresserait. Point. Il faudrait vraiment me convaincre que c'est un bon jeu que je pourrais jouer, mais je vais rester avec le jeu en ligne, le jeu là, original, ouais. Mais là, Antithèse, il a l'air de s'emmerder, là, sacrément. Antithèse, là, j'ai besoin de toi, là. PL! Je sais que tu veux, yeah. Là. Là, j'ai besoin de toi, là. Ok, c'est que tu veux, là. Ok, là, c'est toi qui vas s'occuper de la prochaine nouvelle, là. À moi? T'as l'air de tenter. Je t'aime, PL. T'es un de mes meilleurs chums, tu le sais. Ah ouais? Je viens de l'apprendre. Ben, viens à ma fête, je pense que tu le sais. Bon point. Fais ton déménagement aussi. Clash en ligne, mesdames et messieurs. Ben écoute, bref. PL, je vais juste dire un mot, puis tu vas pouvoir parler de la nouvelle. Parce que je suis sûr que t'es renseigné. Ok, quoi? Picsou! Wouhou! Alors, est-ce que tu connais la nouvelle? Oui, effectivement, je connais la nouvelle, à part que je suis pas, malheureusement, je dois admettre que je suis pas la meilleure personne placée pour ça, mais je vais quand même émettre mes commentaires puisqu'on me le demande. J'ai la joie et l'honneur, puisque Big Ben me donne cet honneur, je te remercie, d'annoncer que il va y avoir un remake du fameux jeu sur Nintendo de la bande à Picsou de DuckTales qui sera disponible sur Xbox Live, PlayStation Network, Nintendo eShop. Est-ce que ça veut dire que c'est 3DS et Wii U? Pas 3DS, confirmé. Oh là, je suis triste. Moi avec, mais ça ne change pas le fait que un des jeux sur lequel que Ouais, voilà. On attendait un remake. Ensuite, la tendance est d'avoir un petit peu descendu. Là, paf, on revient en charge avec la confirmation. Il y a effectivement un remake de DuckTales. C'est vraiment génial, cette idée-là. Je pense qu'on s'attendait pas pantoute à ça. Pantoute, non. Non. Vraiment pas. C'est arrivé nulle part. Puis, vraiment, c'est parce que je pense que le monde demandait tellement d'avoir une copie de ce jeu-là, qu'au moins la version originale sur le Wii Shop. Mais, en fait, c'est qui fait ça? C'est toi? Mais non. C'est ceux qui ont fait chanter. Oui, WayForward, c'est très vrai. WayForward va être les codeurs, c'est très, très vrai. Les développeurs, si vous préférez. Capcom, le publicateur, mais ça ne change pas le fait que WayForward vont être les codeurs. Et vous savez que WayForward ne font pas de marde. Effectivement. Jusqu'à maintenant. Et, mesdames et messieurs, c'est que c'est parti, si vous avez vu la vidéo sur YouTube. C'est parti pour être un succès assuré. Ça a de la bien partie. Écoutez, les accros, si vous avez la chance, vraiment, quand le jeu va sortir, de l'acheter, allez-y, parce que pour moi, je pense que c'est l'opportunité de montrer à Capcom et à Disney que on est des fans accros à ces jeux-là, puis qu'on en veut d'autres. Donc, on veut peut-être Tic-Tac. Ça serait le fun. Logiquement, ça serait Chip and Dale, le prochain. Ben, c'est ça que je dis. Chip and Dale, c'est Tic-Tac pour moi. Ah. Tu connais la version française? Moi, ça me dit rien en français, je suis désolé. Ah, ok. Mais ça serait le fun d'avoir Chip and Dale, au moins. Oui, ça serait vraiment fun. Chip and Dale, déjà en partant, quand tu penses à ça, le nom Chip and Dale, ça devrait même pas avoir lieu d'être, mais bon. On va pas péter des bulles, c'est correct. Oh, regarde, donc, c'est leur nom dans la langue d'origine dans laquelle ils ont été créés. Non, je le sais, ça, rétro, je le sais. Mais tu sais quoi, Chip and Dale? Tic et tac, c'est comme des tic-tac de bonbons. Eh oui. C'est nono, c'est niaiseux, c'est voulu de même. Toi, Tester, qu'est-ce que t'en penses de cette tendance de vouloir recréer des jeux NES dans ces nouvelles consoles? Ben moi, je trouve ça super cool. Là. Évidemment, c'est l'époque que j'ai trippé dessus. Fait que, yeah! Quand ils font des trucs de même, c'est encourageant. Il faut les encourager pour qu'ils nous en sortent plus. On veut revoir du Mega Man, on veut revoir du bon vieux Capcom, yes! Ok, oui. Je suis d'accord. C'était le bon temps. Sérieusement, c'était le bon temps du 8-bit. Puis ah oui. C'est la fin des années 80, 80, début 90, là, c'était le temps idéal de sortir des jeux. Tous les meilleurs jeux de Nintendo sont sortis dans ce temps-là, puis les trois quarts, c'était Capcom qui les faisait. Fait que tu sais. Mm-hmm. Ah! J'ai ici une question quand même pertinente, je peux me permettre, vu qu'on est dans le jeu encore, de Ty. En voyant le remake de DuckTales, Ty se demande s'il va y avoir une nouvelle série, une nouvelle génération de DuckTales. M'étonnerait. Moi aussi, parce que quand même, puisque sur Cartoon Network, ça demeure encore à ce jour une des émissions les plus écoutées. Peut-être oui, mais Disney ne voudront pas investir. Disney ne sont pas connus pour faire des affaires à grande échelle comme ça. Mm-hmm. Non, c'est plus des mises à jour de Disney. Je parle, au bout de 10 ans, ils vont sortir, admettons, le 10e anniversaire édition Blu-ray de... J'ai déjà sorti, vous allez me dire, vous avez raison, mais c'est ça leur sortie de marketing. Édition Blu-ray de la petite sirène. C'est ça qu'ils vont faire. Sortons de la voûte. La fameuse voûte. Avant de continuer dans les nouvelles, je vais laisser quelques temps à Tester Alpha pour le sujet du jour, parce que Tester s'en va dans quelques minutes pour son raid dans Donjons et Dragons. Ben, regarde, je vais probablement me connecter sur WoW, je vais regarder là, s'ils vont commencer. Mais, ok, oui. C'est bon. Bon, on va continuer. C'est quand même une bonne idée de me faire commencer au cas où que... Ok, j'aimerais te faire commencer tout de suite ton... Parce que pour moi, t'es un des gars qui est très bon pour ce qui est de créer des vidéos. Et ce soir, le thème du podcast, c'est la création de vidéos, les conseils pour créer des bonnes vidéos. Et je pense que ce serait, vu que tu es un de nos meilleurs, si tu peux nous laisser quelques conseils pour donner, finalement, aider les jeunes ou les gens qui aimeraient partir des émissions. Écoute, j'ai tellement appris sur le tas que... Ce que j'aurais à dire, c'est que, regarde, il faut que tu sois motivé, puis si t'as un objectif, là, fixe-le, puis va vers ton objectif, puis excusez l'expression, là, mais foutez-vous de tout le reste. Puis allez-y dans votre objectif, vous allez le réussir. That's it. Fait que depuis que j'ai commencé, je pense que ça se voit, là, mon premier vidéo, bon, OK, c'est correct, il est quelconque, disons. Mon deuxième, c'est un petit peu mieux. Là, déjà, le troisième, ça commence à être bien. Et là, 4, 5, 6, tu sais, on dénote une amélioration. Puis ça, c'est juste parce que dès le départ, je voulais m'améliorer. Fait qu'enfin, ça part de là. Faut beaucoup de motivation. Ensuite, faut mettre les efforts. Faut être organisé. Donc, ça veut dire, tu t'écris un script. Mm-hmm. Tu prévois quand est-ce que tu tournes. Tu fais ton tournage. Ensuite, tu fais ton montage, puis voilà, il n'y a pas de remède secret, ça prend de la motivation, puis bien des efforts, puis du moment que tu travailles, les efforts vont être là, puis la motivation, ça devrait bien fonctionner. Que tu travailles, puis que tu fasses pas ça à la va-vite non plus. Tu prends ton temps. C'est ça, tu mets les efforts, oui, c'est ça, tu prends ton temps, puis en principe, ça devrait aller. Bon. Enfin, moi, c'est ce que je fais, puis bon, ça semble fonctionner pas pire. Ben, en tout cas, on voit ça surtout par tes abonnements, c'est beaucoup, ils se sont multipliés comme des petits pains chauds. Ça monte vite, oui. Oui, ça monte très vite. C'est le point. Mm-hmm. Parce que pour te dire là-dedans, dans le cas de Alpha, la stratégie d'atteindre les gens est très agressive mais efficace. Que veux-tu dire? Par agressive PL? Non, je veux dire, Gary, il a un certain sens, il est capable de capter, paf, l'attention des gens, puis il lâche pas prise. Mais c'est ça qu'il faut que tu fasses de toute façon pour pouvoir intéresser les gens à venir s'intéresser à ton œuvre. Mm-hmm. Puis toi, Tester, la création du personnage, pour toi, est-ce que c'était important? La création d'un personnage Tester Alpha. Oui, mais le plus dur, c'est niaiseux, ça a été de choisir le nom. C'est niaiseux, mais... Pour pas faire de copie. Ouais, mais tu commences, tu sais pas où tu t'en vas, puis là, t'arrives, là. Il faut que tu crées ton compte YouTube. Ben, là, j'ai fait un mur. Bon, OK, qu'est-ce que je fais, là? Et c'est quoi mon nom, puis il faut que je le choisisse quand même adéquatement, parce que tout va découler de ça, on s'entend, là. Que oui. Que, ça reste collé, parce que même moi, regarde, mon surnom sur les internets, c'est Big Ben, mais mon compte s'appelle Accro des Jeux, parce que j'ai créé le compte Accro des Jeux, parce que je pensais au début, je voulais utiliser ce compte-là pour que toutes les vidéos de Accro des Jeux soient dessus. Mais finalement, ça a fait que ça tombait sur mon compte à moi. Fait que des fois, je me fais appeler Accro des Jeux. À cause de ça. Mais non, c'est le site. J'essaie de promouvoir le site par Accro des Jeux. Mais mon surnom, c'est le Big Ben. Ouais. Fait que là-dessus, je te comprends amplement. Écoute, on va continuer les nouvelles. Puis si jamais tu nous quittes, ben fais-nous un petit signe avant pour au moins remercier les gens. Et en même temps, ben écoute, on va remercier tes camarades qui t'aident également dans ton émission. On a Tester Beta, puis on a également Lambda qui t'aide énormément pour ces shows-là. Oui, effectivement. Vraiment, je suis content de les avoir parce que s'ils n'étaient pas là, ben ça serait pas mal plus terne puis quelconque comme émission, là, finalement. Bien content qu'ils soient là. Et si jamais vous avez la chance de passer à Montréal au mois d'avril pour le GeekFest, ils vont avoir leur propre table où l'équipe de Tester Alpha vont être présents pour vous accueillir et vous dire un petit bonjour en même temps. Et si jamais vous voulez vous faire autographier quelque chose, ben allez-y. Ça va nous faire plaisir. Effectivement. Nous autres, les Acrons devraient être présents. Alors, c'est juste que nous, on va se promener. Ça va être un gros party. Ah oui, ça va être le fun. Moi, je vais prendre mes billets soit sûrement demain ou après-demain. Ouais, moi, ça va aller. Il faut que je m'arrange avec... Et moi, je serai pas là. Ben non, parce que t'es... Non! Parce que les portails n'existent pas encore. Malheureusement. Ouais. Je vais rester avec Régis. Ouais, nous autres, on est Applebaum. On dirait le nom d'une gemme analgésique. Ouais, hein. Peut-être qu'on aurait besoin, justement, de la crème. Ouais, parce qu'il me fait pas mal, mal dans le cul, lui. C'est sûr, c'est belle note, continuons! Merci, Rétro! Excusez-moi, je suis en train de tousser. Alors, écoutez, ben, entre-temps, reste avec nous, testeur. Si jamais tu t'en vas, fais-nous juste un petit signe pour dire que tu t'en vas, puis présenter tes babayes à tout le monde et dire comment on te contacte. Mais on va continuer les nouvelles. Autre nouvelle qu'on a eue également récemment, c'est Capcom également qui vont nous sortir une compilation des jeux Dungeons & Dragons qui avait sorti dans le temps à l'arcade. C'était finalement... Capcom? Oui, Capcom qui avait fait les jeux de Dungeons & Dragons, les jeux de Beat'em All. Je sais pas si vous en souvenez. Oui. Ah. Moi, j'ai dépensé des tonnes de 25 cents dans ces arcades-là. Moi aussi. Alors, j'ai la date rapidement. Est-ce que je vois une date? Le mois de juin. Ça va être pour le mois de juin, puis en téléchargement sur PC, Wii U, PS3 et 360. Le jeu va recueillir les deux jeux que Capcom avait fait, et ça va s'appeler Dungeons & Dragons Chronicles of Mysteria. Moi, j'adore les beat'em all et j'adore Dungeons & Dragons, fait que ça va être probablement un titre que je vais me chercher rapidement. Et surtout, c'est un jeu de party. Tu sais, tu peux jouer à 4 en même temps. C'est rare à cette heure. Et est-ce que les informations indiquent si on peut jouer en ligne ou pas? En co-op en ligne, dans le fond. Ça m'étonnerait. Le mode multijoueur serait bien entendu conservé. Il fonctionnera... non, il parle pas en ligne. Il parle surtout d'une fonction drop-in, drop-out. Ah, donc, okay. Tu peux lâcher le jeu rapidement puis réembarquer. Mais selon moi, il n'y aura pas de version... Capcom sont assez rares qu'ils rajoutent une version multijoueur en ligne. Moi, je pense juste à l'aéro... Non, c'est moi, je pense à Konami. Excusez-moi, parce que j'ai le jeu de... Les Tortues Ninja 2. La version arcade sur Xbox, puis on pouvait juste jouer sa console. Dommage. Fait que là-dessus, sinon, à part ça, ben, avez-vous vu que. Excusez-moi, ben, Final Fantasy X et X-2 vont sortir en PlayStation. En collection PlayStation 3. Je sais pas si vous êtes des fans, vous autres, de la série Final Fantasy. Pas en tout. Pas depuis 6. Pareil pour moi. 7, je le dis, je le répète, je le reconnais comme étant une évolution importante pour le développement moderne de jeux vidéo. Mais ce n'est pas le meilleur Final Fantasy. Et c'est de loin le meilleur Final Fantasy, même peu importe ce que les gens vont dire. Mais c'est parce que c'était le plus facile pour embarquer, je vous dirais. Mais j'avoue que le 7, c'est pas la meilleure idée. Mais je dis, c'est pas la meilleure histoire, mais c'était, il était facile. Ben, tu peux devenir facilement un power player, mais dans le tu peux devenir un power player. Mm. Tu sais où aller, écoute, tu vas sur l'île, tu bats des dinosaures, puis tu fais des fils avec Locke pour que tu ailles des economizers pour tous tes bonhommes, puis les... Je ne sais plus quelle relique pour booster tes magies avec tes espers, puis let's go, t'es puissant, là, t'es plus battable. Mm, j'avoue. Ben écoute, le 6, j'avoue que c'est mon préféré. C'est vraiment un titre que j'ai accroché puis que je joue encore sur ma vieille Game Boy Advance. Ah, ok, oui. Et j'ai encore super du fun à jouer à ça. Fait que là-dessus, ben écoutez, je vois pas ben d'autres nouvelles. Je pense que c'était des grosses nouvelles, mais c'était pas les grosses nouvelles qu'on s'attendait de l'année. Mis à part que, bon, EA a toujours la misère avec SimCity, puis qu'ils ont crissé dehors leur président, mais ça, je m'en calisse. À la limite, on est quasiment content. Ouais, c'est ça, justement. Quasiment. Je pense qu'ils vont perdre de l'argent, ces gens-là, c'est l'enfer. Mm-hmm. Sinon, à part ça, c'est pas ben une nouvelle, c'est vraiment dommage. Mais c'est pas plus grave, on va avoir des nouvelles. On a quand même eu des bonnes nouvelles cette semaine, puis on va en avoir probablement prochainement sur. Écoute, à d'intérêt, si les gens, les possesseurs de 3DS ne sont pas sans savoir que demain, officiellement, sort Luigi's Mansion Dark Moon. Non, il est sorti dimanche. Okay. Il est sorti dimanche. Il est déjà sorti dimanche. Ça sort! Moi, j'ai le 28. Désolé. Je suis déçu, là. PL, qu'est-ce qui se passe, mon ami? Qu'est-ce qui se passe avec toi? j'ai lu qu'il était disponible en download dimanche. Mais non, il était en magasin dimanche. Il était en magasin, je l'ai vu partout. Il l'avait encore. Pauvre PL. Ben c'est pas grave. Écoute, je t'aime pareil. Écoute, lâche la drogue. Ouais, mais ça, oui, mais je peux pas. Je drogue, moi, drogue pas. Non, c'est vrai. Écoutez, je dois donner quelque chose à la PL. C'est un gars qui touche pas à l'alcool, qui touche pas à la drogue. Il est parfait. Les dames, allez et le voir. J'ai été rejeté de ton avis grâce à ça. Ben, pas grave. Regarde, ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont manqué. C'est ça. Ok. Que... Mais moi, je suis comme toi, PL. De toute façon, regarde... Si on s'amuse, on n'a pas besoin d'alcool, pas besoin de drogue, on est simple, on a du fun, pas besoin de tout ça. Fait que. Et... Si voilà. Les autres nous jugent, ben. Qui mange de la merde! Yeah, man! Yeah! Voyez-vous, hey, je pense qu'on pourrait faire une tournée des écoles secondaires. On pourrait être payé pour ça. Ouais, les jeunes, ils vont dire, hey, on sait qui c'est cette bande de crapules-là. T'as au moins pire que les tournées qui passent, hein. Moi, je me rappelle de ceux que j'avais dans le temps, pis. Ça faisait pitié. Moi, je me rappelle d'un théâtre expérimental qui était venu pour nous montrer c'était quoi les dangers de la cigarette. C'était très expérimental. Ouais. Fait que, non, écoutez, c'est fini pour les nouvelles cette semaine. Est-ce qu'il y a du monde qui ont des questions sur via le chat, mais nos amis? Malheureusement, vous faites pitié sur YouTube, la gang. Je suis vraiment déçu. Il y a juste moi qui chante. Sur YouTube, j'ai pas trouvé le... C'est peut-être moi, il est poche, là. Mais j'ai essayé d'envoyer le lien à mon ami, puis j'ai pas trouvé le podcast live, là. Ah, je peux te l'envoyer, si tu veux. Je vais te l'envoyer. Ouais. Il est directement sur la page des accros, me semble, d'habitude. Ben, je le vois pas. Non, il est pas là. Attends un peu. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai envoyé le lien sur Twitter, alors probablement que le monde va nous avoir. Tu l'as peut-être mis en non répertorié, ça se peut-tu? Non, il... Non? J'allais trouver tout de suite, moi, la gang, fait que... À cause des jeux, ça en fait comme parmi une de tes premières pages qui pop quand tu... Non, il est live, moi je le vois, là. Ah oui. Bon. C'est parce que ton ordinateur est en train de rouler wow puis il y a de la misère, c'est pour ça, là. Ça se peut. C'est du caca, je le vois pas. En tout cas, excusez, c'est pas grave. On continue, on poursuit. Ok, d'où? Sinon, à part ça, bon, on va aller côté. Ben, on va choisir notre thème, même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense rendu là, on pourrait pas. Alors, thème de cette semaine, ben comme vous avez pu entendre auparavant, vous avez entendu que on va vous donner des conseils, nos conseils à nous pour comment faire des bonnes vidéos. Et là-dessus, vous allez pouvoir voir nos conseils. Qu'est-ce qu'on vous suggère pour partir une émission sur YouTube ou peut-être partir un podcast également, si ça, jamais ça vous intéresse. Alors là-dessus, on va commencer rétro. Non, hey, excusez-moi, avant toute chose, on a un concours. J'ai parti un petit concours en fin de semaine. Raconte-nous ça. J'ai parti un petit concours en fin de semaine. Je me suis dit, il semble que le forum commence à être tranquille. Ben, on va partir un concours pour le ramener du monde. Alors, j'ai promis à la personne qui va gagner une copie du jeu Legion of Grimrock sur Steam. Et tout ce qu'il avait besoin de faire, c'était de... ta Switch, Marie. Merci. Ben, je m'attendais en double, c'est pour ça. Ça commençait à être mélangeant. Fait que là-dessus, vous allez... On a 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui ont qui ont posté pour avoir la chance de gagner une copie du jeu. Alors ici, j'ai un D6. Tout ce qu'il y a de plus normal, comme vous pouvez voir. Vous voyez bien les accros? Alors là-dessus, Marilyn va le regarder en plus avec moi pour juger c'est quoi le jeu que je vais faire. Puis la personne qui va être touchée, qui va avoir son chiffre finalement, mais ça va être dans l'ordre. Alors, je regarde pas, Marie. On a quoi? Numéro 1. La première personne qui a posté sur le forum, c'est Toughman. Alors, Toughman, félicitations. Yay! Tu viens de gagner une copie de Legend of Grimrock sur Steam. Félicitations. Excellent jeu RPG. Si vous ne l'avez pas sur Steam, allez-y. Il est encore spécial. C'est un fucking de bon jeu. Si vous avez aimé ma critique de Eye of the Beholder sur une Super Nintendo, vous allez pouvoir connaître un peu le style. Style dungeon crawling et vous avancez et vous devez tenter de survivre de la meilleure façon possible. Alors, on va aller dans le sujet. On va commencer d'abord avec... je vais commencer avec Marie-Lune cette fois-ci pour commencer. Marie, c'est quoi tes suggestions pour partir une émission? Premièrement, faites pas des vidéos parce que vous voyez d'autres mondes le faire. Faites-le parce que vous aimez faire des vidéos. Faites-le parce que vous êtes passionné par un sujet, point. Puis, moi, personnellement, foutez-vous du nombre d'abonnés, sérieusement. Faites-le par passion en premier lieu. Si la passion n'est pas là, ça ne marchera pas, puis ça va paraître dans vos vidéos. Deuxièmement, soyez organisé. Ça, PL, là-dessus, je t'en dois une pas pire, par exemple. Okay. Parce que tu m'as dit une fois, Marie-Ève, note tes idées. Fais-toi une liste d'idées. Oh my God, oui. C'est encore drôle à quel point que même pour n'importe qui, c'est un outil essentiel. Puis je le fais pas juste pour les accros, je le fais aussi pour Vlog de Marie parce que souvent quand on a un buzz d'idées, comme j'appelle, ça sort tout d'un coup. Puis moi, j'ai le bonheur d'avoir un iPhone avec la fonction note dessus. Fait que je peux le faire n'importe où. Donc, je trouve ça vraiment génial. Puis comme ça, quand vous avez plus d'inspiration, mais vous allez voir vos notes, puis vous faites « Ah, je pourrais le faire sur telle chose, je pourrais le faire sur telle chose. » Puis comme ça, ben même si vous avez des blancs, vous avez des idées qui sont restées là. C'est pas mal les deux premiers conseils que je peux vous donner, puis les plus importants, être organisé puis faire vos vidéos par passion, point. Ah oui, puis foutez-vous les haters, parce que ça pullule sur YouTube, les haters. Puis personnellement, je trouve pas que ça sert à grand-chose. C'est du monde donc... jaloux. C'est du monde jaloux, tu les tasses, puis regarde, tu continues ton chemin. Exactement. Donc, feed the troll. Voilà. Exactement. Tout à fait. Je vais y aller d'abord avec PL, vu qu'on Marie t'a lancé des fleurs tantôt. toi, ton conseil à toi? Moi, je pourrais en avoir. Je sais pas, je pourrais parler jusqu'à demain matin. Ça, c'est de pourquoi faire une vidéo, mais c'est drôle parce que moi, ça m'a quand même pris 2 ans avant de me déniaiser. Fait que je suis vraiment bien. Que je suis vraiment placé pour parler. Après, vu que ça m'a pris 2 ans avant de sortir le segment d'Antithèse. Parce que c'était juste. Non, c'était juste. Une question d'avoir. C'est pas juste une question d'avoir des vidéos par passion, c'est aussi. Vous avez ici la chance d'être créatif. Déjà, c'est une personne créative qui est le cas de. Exemple, tous les accros ici. Docteur à son. Il y a une certaine capacité respective. Je pensais à Captain Montréal qui était également une capacité respective dans le grenier. Bref, le but dans ce que je dis ça, c'est également intéressant. C'est plus gratifiant d'arriver à quelque chose où c'est que vous êtes dans le fond original que si vous copiez quelqu'un d'autre. Ce que je disais par là, c'est un conseil que je peux faire. Y penser sérieusement, c'est de regarder nos vidéos, regarder les vidéos de joueurs de grenier, par exemple, pour prendre des notes, puis vous dire dans la tête, OK, ça, je trouve ça intéressant, mais je vais faire ça à ma manière. Ça, je trouve ça moins intéressant, fait que je le ferai pas. Ça, c'est, je dirais, le meilleur conseil que je peux vous donner. Restez soi-même. Tu commencerais à parler de faire attention, surtout au niveau du son, parce que le mixage sonore, c'est le plus difficile. Réglage des plans de caméra, c'est d'avoir une bonne idée, etc. Pour ça que j'essaie d'en dire le moins possible, parce que je veux aussi laisser la chance à mes collègues de parler, parce que je le répète. Faire de la vidéo, c'est toujours une de mes plus grandes passions. J'aimerais beaucoup ça, faire ça. non seulement pour passer comme je le fais là, mais également pour gagner ma vie, puisqu'en plus de ça, j'ai le diplôme pour faire ça. Alors, c'est pour ça que je laisse la parole au prochain. Mais pour résumer, surtout de la recherche. Commencez d'abord par de la recherche pour savoir ensuite dans quoi vous enligner. Rétro, toi de ton côté, t'as quand même investi énormément dans ta création vidéo, autant en temps qu'en argent. Comment tu peux verbaliser tout ton sentiment de création en tant que tel? Comment tu as voulu créer et pourquoi tu as voulu t'investir autant? Je pense qu'il faut, comme les autres l'ont dit avant, il faut avoir la passion premièrement pour le faire. Parce que si tu fais des vidéos juste pour faire des vidéos avec aucune passion, comme Ariel a dit, ça paraît. Et ça, c'est important d'avoir la passion parce que là, tu es capable de parler d'un sujet avec conviction et connaissance en ce temps-là. Une autre chose qu'il faut pas faire quand vous commencez à faire des vidéos, c'est d'investir tout de suite dans l'équipement. Évitez de faire ça dès le départ. Commencez tranquillement. Si vous avez déjà l'équipement, tant mieux. Si vous l'avez pas déjà, commencez pas à mettre 200-300$ là, pour un micro ou quelque chose tout en partant. Là. Commencez par masteriser un peu là, votre façon de faire vidéo. Puis certains ils font travailler des scripts. Moi, j'ai travaillé au début avec des scripts, puis finalement, je les suivais jamais. Fait que je finissais par toujours par inventer mes affaires à mesure. Puis c'est devenu un petit peu plus drôle comme ça. Je le fais quand même écrire mon script, mais ça donne jamais rien. Mais pour certains, c'est important d'écrire des scripts, puis c'est correct. Dans mon cas, ça marche pas très bien, mais les bases sont là pareil. Je suis sûr qu'à la fois, ça doit marcher super, ces scripts. Ça me fait penser à IBGN qui fait des gros scripts de Mongol. Puis ça, c'est correct. Pour répondre à ta question, oui, j'ai beaucoup. Mes scripts sont longs. Là. Je fais pas juste écrire le texte que je vais te dire, mais j'écris aussi tous les aspects comiques qui se passent en même temps. Question que quand j'arrive au montage, je sais exactement dans quel mood je devrais être pour jouer telle ou telle scène. Mm-hmm. Puis, tu sais, veux pas, mes épisodes, c'est 15 à 20 minutes. Je peux pas juste arriver là, pas de script. J'ai besoin du script. Un script pour toi, testeur, c'est combien de pages? Bonne question. Écoute, je mets ça dans un petit document WordPad, fait qu'il n'y a pas de page, mais écoute, il y a beaucoup de mots, là. C'est énorme, là. Attends, j'essaie de figurer combien ça ferait sur Word. Ça serait au moins 5 pages écrit petit, pas d'espace, là. Tu sais, c'est. Ouais, c'est à peu près ça que ça me donne aussi. Ouais, moi, je suis pas. Puis surtout, il faut dire une chose, c'est que t'as quand même pas juste toi là-dedans, t'as aussi bêta, puis t'as aussi lambda à contrôler dans la vidéo. Fait qu'il faut que tu leur donnes des guides dans ton script aussi, là. Mm-hmm. Ouais. Et une autre chose qu'il faut savoir aussi, c'est que voler le contenu des autres sans leur permission, très mauvaise idée. Il y a certaines personnes qui pensent que je prends mes vidéos ailleurs, puis non. Je fais tout mon gameplay. Je filme tout mon gameplay. Puis jamais j'ai pris une vidéo de quelqu'un sans lui demander la permission. Puis c'est arrivé qu'une fois, puis c'est pour mon premier vidéo que j'ai fait ever. Fait que les autres fois, c'est tout le temps moi. Puis j'utilise pas d'émulateur. OK? Mettez-vous ça dans la tête, là. J'utilise pas d'émulateur. J'ai pas le jeu, j'en parle pas. C'est aussi simple que ça. Bon. Ce que j'utilisais au début, là, pour enregistrer mon gameplay, là, c'est une petite affaire qui s'appelle Sabrent, puis ça est chiffre, là, mais allez sur le site de Sabrent. Ça prend les affaires RCA. Pour commencer, là, c'est très bien. Ça coûte pas cher, c'est une quarantaine de piastres. Puis c'est USB. Pour commencer, là, c'est génial comme item. Et plus tard, quand vous avez plus de vidéos, là, puis plus de views, là, ben, vous pouvez vous payer des affaires à 200 piastres comme moi, là. Puis HD PVR2, puis des affaires comme ça, là. Il y a des logiciels spécialisés là, comme Adobe Elements, etc. Là. Ça, il faut vraiment vouloir investir là-dedans. Ok, oui, parce que ça vaut pas des pinottes. C'est ça. Puis le son est très important, tu t'aises de le mentionner. Si vous sonnez comme de la merde, ça va être très dur pour le monde de vouloir revenir à vos vidéos après. Il faut avoir un bon micro, puis être pas trop proche du micro tout le temps. Puis, comme la même chose pour les trucs pour enregistrer le gameplay, si vous avez plus de views et que vous en faites beaucoup de vidéos, ça vaut la peine d'investir dans un bon micro. Okay? Puis un bon micro, là, ça coûte pas 50$. Ça coûte 100$ et plus. Ok, oui. Okay? Puis chercher les deals. C'est ça, chercher les deals, puis en bas de 150$, moi je dirais ça vaut pas la peine. Il est neuf. Neuf. Sinon, rapidement, toi, tu m'avais quand même donné un très bon truc pour ce qui est de l'éclairage. J'aimerais que tu nous expliques, s'il te plaît. C'est important d'avoir un éclairage arrière et un éclairage en avant pour équilibrer les ombrages. Parce que si vous avez trop d'ombrage en arrière, ça va pas être. Il va y avoir un. OK. Un gros tombe en arrière, là. Comme là, j'ai moins. Mm-hmm. Oups. Je vais juste arrêter tout de suite parce que le testeur nous s'en va pour son raid. Testeur, comment on peut te rejoindre sur les internets? Testeur Alpha, vous me cherchez sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, en principe, je suis le seul. Mais la meilleure des façons, ça reste, et ça le restera toujours, venez me jaser sur Accro des Jeux. Je fais mon tour quotidiennement. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup, Alpha, pour tes trucs et d'avoir été avec nous autres pour ce podcast-ci. Bon raid, amuse-toi, et à la prochaine. Ça me fait plaisir, bye. À bientôt. Salut mon ami. Fait que Sylvain, tu peux continuer. Oui, les lumières. Mais ça, c'est bien important parce que, comme là, j'ai pas le bon setting pour les lumières. Vous voyez, je me mets à mettre en face puis j'ai de l'ombre. Et normalement, je serais à avoir deux lumières en avant de moi qui équilibrent les ombres pour pas qu'il y en ait, puis une lumière au moins en arrière. Oui, pour qu'on puisse mettre en profil la personne qui parle. Parce que c'est ça que vous voulez dans vos vidéos, que vous soyez en avant-plan. Là, c'est bien sûr, ça, c'est pour les vidéos dans lesquelles vous apparaissez. Mm-hmm. Hein? Évidemment, bon. Oui. Et c'est... Parce que c'est pas obligatoire d'apparaître, non, aussi. Non, c'est pas obligatoire. On pense à un des gars qu'on suit, toi pis moi, Classic Game Room. Le gars, ouais. Il est là 10% du temps. Ouais, à peu près, ouais. Au début, un petit peu dans le milieu, de temps en temps, qu'il monte des objets. Ils vont souvent ses mains. Pis c'est tout. Pis c'est tout, mais quand il monte des arcades ou des consoles pis tout, il se montre la face pis ils sont là. Pis ouais. Quand il fait sa présentation au début, là. Mm-hmm. Ça, c'est le genre de vidéo que vous pouvez faire aussi, là. C'est ce que j'ai fait avec mon dernier vidéo. C'est exactement ça. Classic Game, c'est le dernier vidéo que j'ai fait avec Lara 32, c'est exactement ça. Mm-hmm. Je vais y aller avec mes trucs. Oui? Oui, non, mais non, vas-y. Dernière chose, un bon logiciel d'édition. Très important. Il y en a des pas chers, il y en a des gratuits. Moi, je préfère payer parce que j'ai les moyens de me payer. Adobe Premiere Elements. C'est à peu près 100 piastres à 120 piastres, là, dépendamment s'il est en ligne ou pas. C'est fait pour monsieur, madame, tout le monde, puis ça fait du HD en plus, fait que c'est pas cher, puis je suis pas un fan de pirater des logiciels, puis d'envoyer des trucs illégaux, fait que c'est pour ça que je paye mes logiciels. Mais il y a des très bons softs gratos, mais il faut chercher beaucoup d'écoute, ouais, vraiment. Je vais y aller avec mes trucs à moi. Lorsque j'ai commencé, vous vous souvenez, Zachro, j'avais un très mauvais micro, une webcam qui m'enregistrait, mais j'avais une chose. Lorsque j'ai parti à Cro, j'avais de la passion. Oui. Ça faisait des années que je voulais partir à Cro. Lorsque je l'ai parti, j'ai parti mon projet vidéo, j'ai eu de l'aide assez rapidement parce que les gens voulaient me donner un coup de main, puis ça m'a beaucoup aidé. Vous avez pu voir que ma qualité de montage a s'est améliorée, mes images sont devenues meilleures, mais ça a tout commencé par des conseils. Donc, allez chercher des conseils des gens que vous connaissez qui sont prêts à vous donner un petit coup de main. Moi, je l'ai fait. CE m'a donné beaucoup d'aide, puis en ce moment, la personne qui m'en donne le plus, là, c'est Rétro. Moi, il me donne beaucoup d'aide lorsque je veux faire de la création de vidéos. Des fois, j'ai un petit conseil à lui demander. C'est lui qui m'a beaucoup aidé. Sinon, à part ça, comme je vous l'ai dit, j'ai parti ça avec une webcam. Puis c'est correct, une webcam, pour commencer. Si vous n'avez pas besoin d'investir, comme Rétro dit, 200$ pour une caméra. Si vous faites de webcam pour commencer, c'est correct. Moi, c'est ça que j'ai fait. C'était correct. Puis à ce temps, il y a des webcams qui sont rendus HD. On peut pas avoir mieux, là, pas cher. Là. Mm-hmm. Voyez-vous, même Marie-Lune, Astor a utilisé son téléphone de temps en temps pour faire des vidéos rapides. Ça fait une très bonne job. Sinon, à part ça, caméra, investissez. Si vous voulez partir vraiment à vous acheter quelque chose, allez-vous chercher quand même une caméra. allez pas dans le trop cher, mais allez pas dans le plus cheap non plus. Allez chercher quelque chose de milieu de gamme. Moi, j'utilise une JVC comme caméra, qui coûte à peu près 200$, mais elle fait un excellent job. Là, je vois notre cher Rétro qui nous montre sa propre caméra. C'est une toi aussi, c'est une JVC. Mais la tienne est HD. Moi, la mienne, elle ne l'est pas, je crois. Alors, toi, qu'est-ce que tu utilises comme caméra anti-thèse? Moi, c'est une Sony Handycam DCRX SX40 avec... Quoi? Ah non, excuse, parce que Marie est allée voir à la porte. Ah, je pensais qu'elle allait voir Claude Legault. Non, ben quoi qu'il s'en vient dans pas long, là. C'était pas Claude Legault. C'était bien dit Claude. Rassez-moi, c'est... Ok, phew. Tant que c'est pas François Legault, on est correct. Ok. Bon, tu disais, Phil... Oui, c'est quoi ta caméra? Moi, la caméra Sony, c'est le fait que j'ai maintenant un disque dur d'intégrer. Fait que la plugger dans l'ordi directement, puisque j'ai un HD de 4 gigs d'intégrer, puis le tour est joué. Je peux enregistrer de 1 heure à 3 heures de vidéo, dépendant de la qualité que je recherche. Puis même pour la basse qualité, ça fait quand même une pas pire de job. C'est sûr que je recommanderais, mettons, dans ce cas-là, bon, le HD. Mais moi, de toute façon, pour bien fonctionner mes affaires, il faut que je convertisse en mes vidéos pour mon ado premier, parce que mes ordi ne sont pas assez puissants pour bien les gérer. Ma caméra m'a coûté 300$ que j'ai eu sur un plan par, voyons, j'allais dire Guano Bousquet, mais Martino. OK. C'est à peu près ça, une bonne caméra dans ces prix-là. 300-400$. Mais tu sais, ce que vous avez, vous autres, de JVC, que vous avez payé 200$ chez RazoShack ou peu importe, on voit que ça fait la job pareil. Fait... Non, je ne l'ai pas acheté chez JVC, je l'ai acheté chez Photoshop. Moi, je l'ai acheté chez Tanguay. 350 à l'époque. Fait que, non, c'est ça. Regardez votre caméra et des fois, regardez sur eBay. Si vous trouvez quelque chose qui a de l'allure, là, des fois, vous pouvez la trouver là-dessus. Ma deuxième caméra que j'utilisais, c'est la première que j'avais, c'était la vieille caméra de cassette à mes parents. Et la deuxième, je l'ai payée 30$. Ça a fait la job pendant 1 an. Alors là-dessus, j'ai tourné beaucoup avec cette vieille caméra-là. Elle a fait la job. Rapidement, ben moi, je vais vous montrer mon appareil pour que moi aussi, je capture mes images à moi. Dazzle. Pour moi, c'est un Dazzle que j'utilise. C'est mon deuxième que j'ai. Parce que le premier n'était pas compatible avec Windows 8. Alors, celui-là, c'est mon Dazzle à moi. Ça a coûté $50. Puis, il vient avec mon logiciel de montage qui est Final Cut 12, qui fait des grosses vidéos. Je vous avertis, ça fait des vidéos qui montent au gig rapidement, 1 gig à 1 gig et demi. Mais la qualité d'image est vraiment up. Puis il y a quelques petites fonctions qui sont cool. La seule affaire que j'ai pas, c'est certains montages que j'aimerais faire. Mais sinon, ça fait un excellent job. Puis pour que partir, c'est correct. Puis de toute façon, j'investis prochainement dans mes prochaines choses que j'investis. Ça va être dans mon éclairage aussi. Et peut-être même dans un logiciel de montage pour pouvoir faire du green screen. Ça serait dans mes projets. Pour que ça aille dans 120 watts et plus. Ouais. Alors, Marie-Lune va nous quitter parce qu'elle s'en va voir 19-2. Marie, comment on peut le contacter sur les internets? Comme la plupart des fois, sur Twitter facilement, sur YouTube, sur mes deux chaînes. La meilleure façon, bien sûr, c'est sur le forum d'acrodesjeux.com. Vous pouvez me jaser en privé ou sur les différents sujets. Ça me fait toujours plaisir de vous parler. Sinon, à part de ça, c'est pas mal. Ah oui, sur Facebook également, vous pouvez me contacter sur la page d'acrodesjeux.com. Donc, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Merci beaucoup, Marie. À la prochaine. Bye bye, Marie. Bye! À la prochaine vidéo dans pas long, sûrement. Bye! Fait que là-dessus, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce que vous avez d'autres suggestions avant qu'on quitte, les gars? Parce que de base, non. À moins que les gens veulent qu'on précise peut-être le son. C'est tout pareil, même si dans Raid. Dépendant. Parce que le fond demeure un domaine assez minutieux. Oui. Prenez votre temps de travailler dans vos vidéos. Il est très, très minutieux. Alors, je sais pas si. on peut avoir des gens qui sont intéressés à en avoir plus. Ici, des commentaires qui peuvent être dit plus de nous. Moi, je ne savais pas vraiment quoi dire parce que je ne savais pas exactement par où commencer. Je ne sais pas c'est quoi la, en tant que tel, la connaissance des gens en long et en large. Ben moi, quand j'ai commencé, c'était juste la caméra. Ok. Ben, je vais regarder rapidement sur les chats parce qu'il y a quand même du monde qui nous ont jasé. Non, là-dessus, on n'a pas bébène de nouvelles. On a juste Jérôsie qui nous remercie pour les conseils. Alors, ça fait plaisir. Et, Tester nous dit que pour son, il enregistre toujours avec sa caméra, en tout temps. C'est une méthode qui est assez sympathique, que je sais que Dogwalker utilise. Et ça, ce choix-là, c'est pour des raisons esthétiques, pour pas, parce que quand tu t'enregistres sur un micro, puis ensuite tu fais le passage de micro à voix off à micro de ta caméra, t'entends un bruit de fond qui est très différent. Fait que esthétiquement pour les oreilles, c'est un peu fatigant quand c'est toujours d'un passage à l'autre. Mais regarde, moi je me rappelle, on le voit surtout avec les vidéos du nerd. Le nerd, lorsque tu l'entends, tu vois vraiment que lorsqu'il passe en gameplay, son est différent. J'avoue c'est que ça. Là-dessus, je suis du même avis que toi. Parce que moi, par exemple, c'est pas tant que ça, mais c'est là pareil, puis je sais que ça peut gosser certaines personnes, parce que ça, c'est comme si t'avais un high, puis on est un low, t'as un high qui revient, t'as un low qui revient. Ça, et ultimement, ça peut devenir mortel pour le public. Écoute, ça dépend toujours du monde. Hein. Moi, c'est sûr que j'utilise mon micro que vous voyez là. C'est un micro USB qui fait un son qui est relativement correct. C'est pas le meilleur micro, mais pour moi, pour ce qui est de faire ma job, ça, on m'entend bien, puis c'est ce que je veux. Comparativement aux micros qui sont de prise standard d'ordinateur, que je trouve qu'il y a un bruit qui est de merde. Parce que dans mes premières critiques, vous l'entendez, que mon vieux micro, c'est de la merde, le son. Là. C'est un bruit étouffé parce que le micro, ça a un bruit étouffé. Oui, c'est vrai. Tandis que là, avec celui USB, je trouve que le son est un petit peu meilleur. C'est pas de la qualité de comme le rétro. Rétro, il y a un micro qui a un son, comme je dis, de crooner. Il y a un petit condensateur, mais... C'est ça, il y a un condensateur dans le sien. Ouais. Fait que là-dessus, c'est pour ça que dans mes projets... Excuse-moi. Non, je suis en train de l'écouter, puis j'attends toujours après ce que le gars me rappelle, savoir s'il me l'avant ou pas. OK. Dans mes projets. Sinon, pour regarder avec le test du son, si vous voulez malgré tout conserver une bonne statique de votre son, il y a toujours, bien sûr, des micro-cravates. Mais là, on commence à faire cher en salle. Ouais. Ce que Rétro a dit au début, ce qui veut dire ne pas trop s'investir dès qu'on commence. Non, c'est ça. Il y a les petits à petits. Comment? Il y a les petits à petits. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Comme voyez-vous, celui à... Il y en a des pas pires quand même. Le Yeti. Toi, c'est un Yeti que t'as, je me souviens. Hein? Yep, le Yeti Blue de Blue. Il est 150$ en ce moment. Fait que c'est... Moi, je l'ai payé 170. C'est ça. Alors, il en ce moment... R2D. Hein? Et il ressemble un peu à R2-D2. J'avoue qu'il sonne un petit peu comme... il sonne très bien. C'est ça qui est le fun. Moi, j'en ai un que je porte en ce moment qui s'appelle le Snowball de Blue. Qui est 75$, que je trouve qu'il y a de l'air popé, mais je suis sûr que j'aimerais aller le tester. C'est pour ça que je vais aller faire un tour dans un magasin de musique. Parce que la plupart des magasins de musique, comme Steve Music ou comment ça s'appelle Archambault, oui. tu peux faire des tests de son. Fait que si allez essayer votre micro auparavant. Je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner côté micro. Sinon, pour ça, moi j'utilise pas de script. Je fais un plan. Je fais un plan de ce que je veux dire, comme par exemple, voilà, je parle de gameplay, je parle de côté graphique, je laisse des grosses lignes, mais je jase normalement. Puis si je manque ma shot, ben, ça me dérange pas de le reprendre. Puis souvent, ça peut me prendre 1h30 à faire de la discussion pour une critique de 5 minutes. Mais c'est normal, parce que je veux être sûr à cette heure que lorsque je jase, je fais moins d'accrochage. Vous pouvez l'entendre dans mes premières critiques, je parle go, straight to the go, puis je me suis rendu compte que souvent, je faisais J'essaie de limiter le plus possible à cette heure. Et tu réussis quand même bien. J'essaie, c'est pas évident. Parce que des fois, je peux le faire pareil. Mais des fois, j'essaie de le faire moins camouflé. C'est plus camouflé à cette heure. Avec le montage que je fais, j'utilise à cette heure un logiciel de montage audio pour lorsque je fais de la narration. Et ça se voit. Auparavant, j'utilisais la narration qui était dans le Windows Movie Maker. Puis, quoi, il fallait que j'y aille to the go. Puis, j'avais pas le choix, là. Mm-hmm. Fait que c'était très très mauvais. C'est pour ça que j'ai débarqué de Windows. Je suis rendu à cette heure à utiliser Pinnacle comme logiciel de montage. Mais pour ce qui est du logiciel audio, si jamais vous voulez le faire comme moi, utilisez Audible, qui est un logiciel gratuit qui fait une excellente job pour faire du montage audio. J'utilise également pour le podcast des accros. C'est mon logiciel de montage que j'utilise parce qu'il est super facile. Puis on peut mettre jusqu'à à peu près 20 tracks sans problème. Fait que nice. Là-dessus, si je veux mettre du son en dessous, ben, il n'y a pas de problème, ça sonne super bien. Ben, je pense que ça fait le tour, les gars. Pas mal, oui. On va laisser Rétro, lui aussi. Il a hâte d'aller voir les fesses à Claude Legault. Non, non, moi, c'est les chicks qui baissent que je veux voir. Ah, c'est vrai. Alors, écoute, Rétro, comment on peut te rejoindre sur les internets? Maintenant, là. Ouais. Mais toujours de la même façon. Par mon channel YouTube et sur le site desaccrodesjeux.com. Antithèse, comment on peut te rejoindre sur les internets? Ils vont me faire plaisir de recevoir vos courriels, vos critiques, vos vacheries et tout. Mail pertinent, c'est-à-dire que les vacheries vont être délitées au bout du compte, à antithèse, antithese@gmail.com.ca. Ou encore à yahoo.ca. On peut également me rejoindre sur Twitter @antithèse16, S-A-Y-S. Mais la meilleure façon et la façon la plus encouragée de venir me jaser et de jaser les autres accros des jeux, collègues et fans compris, c'est sur le forum desaccrosdesjeux.com. C'est un rendez-vous. Alors, pour ce qui est de mon côté à moi, vous pouvez me rejoindre sur via Twitter, à commercial Accros des Jeux. Vous pouvez également me rejoindre via le courriel officiel des Accros des Jeux, à accrosdesjeux@commercial.gmail.com. Il y a également le Facebook des Accros des Jeux, où vous avez pu voir qu'il y avait un concours en fin de semaine. Alors, si vous n'avez pas encore aimé la page, allez-y. Alors, aimez la page Accros des Jeux sur Facebook. Sinon, à part ça, ben, le forum, c'est la meilleure place pour me rejoindre. Je suis là tous les jours. Je fais mon tour à peu près 6-7 fois par jour pour venir voir, modérer et tout ça. Alors, si jamais vous voulez venir nous jaser, c'est le meilleur moyen sur le forum. Merci beaucoup à tout le monde qui sont passés sur le chat live du podcast. Je remercie particulièrement Adam Kane, Philippe Saint-Jean, Monsieur Touf-Touf, Rad Saint-Knight, Kevin Noireau. Merci beaucoup pour ta suggestion également de logiciel. À part ça, Tester Alpha, merci beaucoup d'être venu durant le podcast. Jirozy, merci beaucoup à toi aussi. Oz Hobbs, j'ai vraiment de la misère à dire ton nick, hein. C'est Ozzy Osbourne, je le sais, mais j'ai de la misère à dire. C'est Oz Hobbs. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à Cara, notre cher Shadix, et Serre 2011 Compagnie. Vous êtes beaucoup à venir au podcast. C'est vraiment génial de vous voir. Alors, merci beaucoup d'être venu. Là-dessus, rapidement, y avait-tu d'autres choses? Parce que j'ai vu que tu nous proposais un logiciel... Ah, j'ai une petite question rapidement. Je vous entends souvent parler de Skylanders, mais je n'ai aucune idée c'est quoi. Écoute, il y a une critique sur notre site internet, RetroGamerPQ, en a jasé. Si ça tente d'aller voir, Robs, c'est le meilleur moyen pour aller voir la critique. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu sur le podcast des accros. À la prochaine.